C'est assez intéressant ces marques. Donc il y en a effectivement à Lyon, il y en a dans pas mal de communes. Il faut savoir que ces marques aussi, certains habitants qui ont été touchés par les inondations les effacent volontairement. Alors pourquoi ? Bien, tout simplement parce que c'est stigmatisant pour l'espace sur lequel on est, l'espace qu'on occupe. Hein, ça veut dire que c'est un territoire à risque. Et c'est des gens aussi qui ne veulent pas avoir une identité négative. Il faut savoir, suite à une inondation, on a des problèmes pour vendre sa maison, etc. Donc ces marques aussi rappellent le risque. La deuxième chose aussi, c'est donc par rapport à la mémoire des inondations. Quand on a vécu quelque chose d'assez traumatisant, il faut imaginer que ces gens, dans leur maison en général, voient tous leurs objets défiler sous leurs yeux, mélangés à ceux des voisins. On perd pas mal de choses, etc. C'est pas forcément des épisodes en fait qu'on a envie de se souvenir éternellement. Donc on est toujours partagé un peu entre mémoire et oubli. Et ce genre de marque en fait rappelle un peu trop l'événement pour les personnes qui ont vécu une inondation. Donc ce qu'on peut des fois observer, alors c'est plutôt au niveau de la sphère privée, des gens qui mettent des marques chez eux, mais assez discrets, par exemple dans le garage, dans la cave, un trait rouge pour indiquer le niveau de l'eau. Donc on a toujours en fait un décalage entre ces marques officielles, qui sont trop stigmatisantes pour certaines personnes, et des marques intimes qui nous rappellent notre expérience. Ça pose forcément un problème de la transmission du risque. Parce que quand on efface ces marques, et quand on garde que des marques sur l'espace privé, bah, les personnes qui n'ont pas vécu l'événement n'ont pas forcément la transmission du risque.